et je rêvais d'un autre monde. Avec des gilets jaunes par milliers. Et Macron se serait fait virer. On serait bien tous ensemble. Et on serait plus taxés. Et on pourrait s'amuser. Et enfin dépenser. Mais Macron, il s'en fout de nous. Il préfère les gens riches. Heureusement, les gilets jaunes sont là. Heureusement, les gilets jaunes sont là. Gilets jaunes, avec moi. Jean Lassalle, avec moi. Castanier, casse-toi. Macron, casse-toi aussi. Gilets jaunes, avec nous. Gilets jaunes, on s'en fout. Et Macron, tu feras moins le con bientôt. Gilets jaunes, avec moi. Gilets jaunes, avec nous. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Allez, gilets jaunes, avec nous. Gilets jaunes, avec nous. Tous en cœur. Macron, démission. Macron. Macron, si t'es champion, montre-nous ta démission. Macron, si t'es champion, montre-nous.